Je m'appelle Mireille Bétrancourt, je suis professeure à l'Université de Genève. Je dirige l'unité TECFA qui s'intéresse aux technologies pour la formation et l'apprentissage. Plus précisément, c'est comment tirer parti de l'énorme potentiel des technologies numériques, ordinateurs, Internet, pour des situations d'apprentissage, d'enseignement et même de formation pour les adultes. Donc nous menons des études qui sont à la fois des études de laboratoire où l'on teste des outils précis. On peut développer des nouveaux logiciels, des nouvelles interfaces et évaluer leur impact sur des performances d'apprentissage ou des situations d'interaction à partir de mesures contrôlées. Mais on a aussi des études beaucoup plus intégrées dans des terrains et des contextes d'enseignement réel. Là, on travaille en interaction étroite avec les formateurs ou les enseignants pour développer des activités qui sont soutenues par des outils technologiques et puis évaluer avec eux l'impact, l'intérêt ou les obstacles liées à ces activités utilisant l'informatique. Aujourd'hui, je vais vous parler des tablettes numériques, souvent des tablettes tactiles d'ailleurs, et leur usage dans les situations d'enseignement et de formation. Donc les tablettes en éducation sont des outils dont on entend beaucoup parler dans les médias. Une espèce d'engouement médiatique qui est peut-être d'ailleurs un peu disproportionné, comme parfois pour les technologies nouvelles. Mais en tout cas, cet outil est particulièrement intéressant parce qu'il a des caractéristiques particulières qui sont liées à sa taille réduite, son encombrement minimal, ainsi qu'une interface un peu particulière, une interface tactile, qui lui donne un aspect intéressant dans l'enseignement. Parce que par rapport aux tablettes numériques, justement, leur utilisation dans l'enseignement, il y a deux aspects qui sont importants à prendre en compte. Il y a ce que l'outil permet de faire, donc ce qu'on appelle les usages de cet outil, ce que ça apporte. Et il y a ses caractéristiques propres qui sont liées à son interface, sa taille, etc. Donc par rapport aux caractéristiques de l'outil, ce qui est intéressant dans les tablettes, c'est leur encombrement qui est faible, qui permet une mobilité dans la classe par exemple, mais qui permet également de l'intégrer plus facilement dans les outils de la classe. On ouvrira la tablette comme on ouvrira un livre, on la fermera également quand on n'en aura plus besoin. Inutile de se déplacer dans une salle informatique ou au fond de la classe. Donc ça permet un usage plus spontané, plus immédiat, qui est plus propice à ce qui se passe dans les classes, parce qu'une classe est quand même un environnement où les choses bougent, l'enseignant doit réagir à la situation, et donc un outil qui est plus mobile, plus flexible, se prête mieux à ce qu'on fait en classe. Un deuxième aspect sur la caractéristique de l'outil, c'est l'interface, et notamment ces tablettes qui sont la plupart des interfaces tactiles. Et donc ça, c'est pas juste un gadget, ça induit une utilisation qui change assez radicalement par rapport à l'ordinateur. En effet, quand on utilise un ordinateur, on a en général besoin de périphériques du type clavier, souris pour interagir avec l'interface. Là, on utilise le geste, le doigt pour les interfaces tactiles ou éventuellement un stylet. Mais en tout cas, c'est un geste. Et ce qui change dans les tablettes, qui a changé dans les tablettes tactiles, c'est le fait que le geste est porteur de sens. Au lieu de cliquer sur un menu, on va balayer avec la main pour feuilleter. Et ça induit une interaction beaucoup plus directe, beaucoup plus naturelle, qui est non seulement plus facile à apprendre, mais qui en même temps aussi libère tout ce qui est attention, mémoire, perception pour des activités d'apprentissage, de lecture, de calcul. Donc ça, c'est vraiment un aspect intéressant des tablettes, la tactilité, l'interface tactile et sa mobilité. Donc ça fait que c'est un outil qui est plus facile à utiliser dans les situations de classe, dans les situations d'enseignement. Bon, il y a le prix aussi, qui finalement, si on réfléchit, hein, 10 tablettes, c'est moins cher que 10 ordinateurs. Finalement, pour des capacités qui sont assez intéressantes. Voilà, là, c'était l'aspect sur les caractéristiques de l'outil. Il y a aussi ce qui est lié aux usages qu'on peut en faire. Alors là, la tablette, c'est quand même aussi une sorte d'ordinateur, un petit ordinateur. Donc l'usage que l'on en fait, il n'est pas écrit d'avance. C'est vraiment la décision de la personne qui l'utilise. Donc on ne peut pas dire que les tablettes sont un outil intéressant ou pas en classe. Ça dépend vraiment de ce qu'on en fait, comme pour toute technologie numérique. Donc ce qui est intéressant, en fait, qui est lié à l'usage de l'ordinateur en classe, c'est par exemple le recours à l'image, à des ressources Internet authentiques, à des capacités aussi de traitement automatique des réponses si on veut mettre en place par exemple des exerciceurs pour des procédures à automatiser, par exemple calcul, mathématiques, etc. C'est également une chose dont, pour laquelle on a moins d'observations dans les classes, et pourtant c'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est un outil de support à la création. On peut faire créer des posters multimédia sur un sujet, on peut faire créer des petits films, soit pour accompagner une sortie ou pour tout simplement aborder un nouveau sujet. Et donc ça, c'est intéressant, on permet aux élèves non seulement de créer quelque chose, d'apprendre sur un sujet, souvent de collaborer ensemble. Donc tout un ensemble d'apprentissages qui sont très intéressants, que ce soit au niveau primaire ou secondaire. On entend poser la question dans les médias ou ailleurs, est-ce que l'ordinateur ou la tablette sont utile, bénéfique à l'apprentissage, mais la question elle est mal posée. Un outil en soi, il n'a pas d'utilité ou pas de bénéfice, ça dépend de ce qu'on en fait. C'est un peu, si on imagine un marteau c'est très utile, mais si on veut visser, ça n'a pas d'utilité. Donc c'est vraiment en fonction de l'objectif que l'on a et de l'usage que l'on en fait que là on pourra dire est-ce que cet outil sert à quelque chose. Alors, il y a eu quelques expériences d'utilisation des tablettes. Beaucoup d'expériences ont été faites de manière relativement, je dirais, intuitive, avec des personnes qui avaient des idées, des enseignants qui ont joué le jeu, des usages intéressants. Alors, ça commence à venir, c'est-à-dire on commence à avoir une liste d'usages intéressants qui ont été expérimentés en classe. Donc, la plupart du temps, l'un des premiers usages, l'usage les plus fréquents, c'est d'aller chercher des ressources Internet sur un sujet particulier. Soit en classe entière, soit un petit groupe qui doit se documenter pendant que le reste de la classe fait autre chose sur un sujet. Et là, justement, tout l'art, je dirais, de l'enseignant, c'est de sélectionner des ressources à l'avance, par exemple. Si ce sont des enfants jeunes, il vaut mieux sélectionner des sites, par exemple, sur lesquels les enfants vont chercher. Donc on a l'avantage de ressources authentiques, de vraies recherches Internet, mais en même temps, sans avoir les inconvénients que l'enfant se perde sur des sites qui sont plus ou moins fiables, sans parler des problématiques liées à ce qu'on peut trouver d'indésirable. Mais en général, il y a des filtres qui sont assez bien faits. Donc ça, c'est un des usages qui est très intéressant, hein, l'accès à Internet au moment où on en a besoin. D'autres usages qui sont liés aussi à la collaboration, donc par exemple le fait de faire écrire des notes par les élèves sur des activités qui sont souvent centralisées par à l'aide d'un outil, notamment par exemple Evernote, qui est un outil qui semble très apprécié par les enseignants pour garder des notes qui sont accumulées par les différents élèves ou les groupes d'élèves. Puis évidemment, on a tous les exerciceurs qui sont développés, qui permettent de faire des activités très ponctuelles, un exercice de mathématiques, un exercice de français, avec feedback correctif qui est donné à chaque élève, ce qui lui permet, l'élève, à la fois de progresser à son rythme, d'avoir un feedback personnalisé. S'il ne réussit pas, il n'a pas le problème d'être confronté avec une feuille maculée de rouge, donc c'est plus valorisant pour les élèves. Pourquoi pourquoi les politiques ne sont pas plus proactives pour intégrer ces outils de type tablette numérique, qui sont quand même moins chers que des ordinateurs, pour finalement des fonctionnalités, pour ce qu'on en fait en classe, qui suffisent largement. Alors, il y a une problématique du temps. Ça, c'est lié. C'est d'ailleurs un des obstacles qui explique pourquoi les technologies informatiques ont du mal à pénétrer dans l'éducation. C'est que la durée de vie à la fois d'une application et d'un matériel est relativement courte, et par rapport aux politiques éducatives notamment, où on a besoin d'un peu de temps pour décider, un peu de temps pour choisir les matériels, et puis finalement quand on a choisi, le matériel il n'existe plus, ou de toute façon plus sous cette forme là ou alors le logiciel qui allait avec ne marche plus. Et ce manque de pérennité, ce manque de stabilité dans le temps donne une incertitude que les politiques n'aiment pas, et qui n'est effectivement, enfin en réalité, c'est compliqué à gérer en effet, puisque on n'est pas très sûr de ce que l'on va avoir dans 2 ans sur le marché. Donc les politiques éducatives ne peuvent pas se précipiter sur une marque en disant on va prendre cette marque pour tout le monde, et puis finalement 2 ans après cette marque elle n'existe plus, ou finalement il y a une meilleure marque, et ça c'est pas très bon pour la façon dont fonctionnent les États en général. D'ailleurs c'est compliqué à gérer, et ça explique pourquoi les écoles privées un peu fortunées y vont avec beaucoup moins de réticence. Ils prennent le meilleur matériel du marché au moment où il est disponible, puisqu'ils n'ont pas besoin de faire d'appels d'offres et de choses comme ça qui prennent du temps. Donc ils prennent ce qu'il y a avec le prix que ça coûte, et puis 2 ans après, ils revoient leur politique. C'est pas possible pour les États qui ont des politiques éducatives sur long terme. C'est pas une question française. On en parlait avec des collègues genevois qui m'expliquaient qu'il avait fallu batailler pour avoir le droit justement d'acheter des tablettes d'un certain type, d'une certaine marque, et que quand l'État avait donné son accord, ces tablettes n'étaient plus en vente. Donc il fallait tout recommencer. Mais en fait, c'est infini, puisque évidemment, s'il faut 2 ans pour avoir l'accord pour acheter un matériel, il est plus disponible tel quel. Donc oui, c'est pareil partout. Sauf des États qui seraient très décentralisés, mais c'est rarement les établissements. Et puis ça dépend des communes aussi également. Enfin, c'est un peu compliqué les montages pour l'achat de ce type de matériel. Donc comme il y a une certaine incertitude quant à l'apport réel de ces outils en classe, aussi peut-être une certaine réserve de la part d'enseignants qui ont souvent une représentation de ces outils qui n'est pas forcément très positive, comme quoi ça remplacerait l'enseignant, ça déshumanise l'enseignement, alors que c'est un outil en plus, hein, c'est pas du tout l'idée de remplacer les autres outils. Mais ça fait partie des choses qui constituent des obstacles à l'intégration de ces technologies. Il y a aussi peut-être un autre obstacle à l'intégration de ces technologies, qui est que comme elles, ce sont des outils qui font développer de nouvelles façons de fonctionner finalement, à la fois de nouvelles façons de raisonner, de façons d'interagir avec les objets. Par exemple, lire sur Internet et lire sur papier, c'est a priori la même activité de lecture. Mais de fait, on ne fait pas de la même façon. On va plus être en termes de recherche d'informations précises sur Internet, et plus en termes de lecture intégrale sur le papier. Voilà, ce sont on pourrait faire l'un et l'autre dans les deux cas, mais ce sont des usages un peu différents. Et ce qui fait que l'intégrer des nouveaux outils technologiques en classe, ça demande du temps. Et ce temps, on ne le laisse pas forcément à disposition ni des enseignants, ni des apprenants. Et de ce fait-là, on ne peut vraiment jamais vraiment évaluer l'effet d'une technologie. Puisqu'il faut quand même que le temps que ça se développe, il faut quelques mois pour s'approprier un outil, que ce soit une tablette, ou un tableau interactif ou un ordinateur. La question aussi peut se poser de quel outil on intégrerait en classe. Est-ce qu'on préférerait pas un tableau en blanc interactif, 5 ordinateurs ou des tablettes? Alors, la question, elle est en termes de ce qu'on veut en faire, hein, de quel objectif on donne à l'outil numérique. Évidemment, on pourrait dire que si on avait suffisamment d'argent, de temps, de place, on met tout et puis on voit bien après ce qui est utilisé, mais c'est pas très économique comme façon de penser. Donc, un tableau blanc interactif, l'intérêt, c'est que souvent, tout simplement, il fait rentrer l'ordinateur, Internet, toutes les technologies numériques, en fait, dans la classe. Donc, par exemple, c'est plus facile pour un enseignant de montrer des vidéos. Par exemple, s'il y a une éruption volcanique sur la leçon des volcans, ben voilà, on va montrer une vidéo qui a été prise hier plutôt que d'aller chercher quelque chose qui a été filmé il y a 15 ans. Beaucoup plus intéressant pour les enfants. Ça, c'est un usage intéressant qui est finalement souvent lié à l'ordinateur. Alors, le tableau blanc interactif a pour intérêt d'être directement manipulé comme un tableau blanc ou un tableau noir. Mais par rapport à un ordinateur personnel ou à une tablette, c'est souvent moins l'élève qui y va que l'enseignant qui le contrôle. Donc c'est un usage intéressant, mais qui ne remplace pas du tout un usage plus personnel par les élèves. Le tableau en soi, il n'est pas très très cher. Je pense qu'il doit être dans les 1 000-1 500 euros actuellement. Ce qui est plus cher, c'est le projecteur. Parce que justement, il faut que tout soit tout prêt, parce que sinon ça marche pas. Ça, c'est un des avantages des tablettes, c'est directement prêt, facile à utiliser, spontanément disponible. Là, donc si le projecteur est accroché, ça veut dire que c'est un ultra courte focale, et ça coûte extrêmement cher. On a remarqué dans des études sur l'usage du tableau blanc interactif qu'en fait c'est presque la dernière étape d'appropriation des technologies en classe. La première étape, c'est d'utiliser un ordinateur que l'enseignant maîtrise bien, où il peut préparer, où elle peut préparer à l'avance des choses à faire ou à montrer aux élèves. Ce qui est intéressant, c'est aussi que les élèves aient la main. Donc là, pour le coup, c'est les élèves qui vont sur l'ordinateur, qui font des choses avec, qui produisent avec. Ça, c'est intéressant. Et l'utilisation d'un tableau blanc interactif en classe entière, il faut être déjà très à l'aise avec l'application qu'on montre, très à l'aise avec le tableau blanc interactif qui a quand même des subtilités en termes d'interaction, puisque le menu n'est pas disponible souvent directement. Et puis, complètement à l'aise avec l'activité dont on parle, quoi. Donc les connaissances. Donc ça, a priori, les enseignants sont formés et compétents dans les connaissances qu'ils enseignent et la façon de l'enseigner. Mais si vous avez un outil qui change totalement la façon de voir cet objet d'apprentissage, il faut le temps de s'approprier, de s'habituer à cette nouvelle façon de faire. Une petite anecdote justement par rapport à ces tableaux blancs interactifs. On avait observé une enseignante qui avait récupéré une application qui permettait aux enfants de classer les triangles équilatéraux, isocèles et triangles quelconques. Et donc, il suffisait de prendre sur le tableau blanc interactif, de prendre le triangle et de le mettre dans la boîte correspondant à son état. Et en fait, les rectangles équilatéraux n'étaient pas considérés comme isocèles, puisque l'application avait prévu qu'on mette les équilatéraux dans les équilatéraux. Or, mathématiquement, les triangles équilatéraux peuvent être considérés comme des isocèles aussi. Et donc, il y avait l'application qui était récupérée par l'enseignante. Elle n'avait pas pensé que ça pouvait faire ça. Et elle était en porte-à-faux. Et à un moment donné, on a vu qu'elle était en porte-à-faux même avec le contenu. Du coup, ça l'a troublée par rapport au fait, est-ce qu'un équilatéral est aussi isocèle finalement? Et donc là, on voit bien comment l'outil peut entraîner aussi des questions sur le contenu. Oui, nous conduisons des observations dans des classes. Alors, souvent, on a évidemment des interactions avec les enseignants. On voit avec eux, on monte avec eux des scénarios utilisant des technologies. Et puis ensuite, on observe, en général, on utilise aussi, on filme. On observe la situation de classe et puis ensuite, on analyse ce qui s'est passé, à la fois en termes de bénéfices ou d'apport de l'outil dans la situation, et également en termes d'obstacles inattendus qui peuvent se produire dans la situation que l'on pourrait anticiper justement dans les activités futures.